Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la rose blanche, la résistance allemande au nazisme. Quand on a été embarqués ensemble dans cette voiture de la Gestapo pour nous amener à la maison d'arrêt, pendant tout le trajet, mon frère, qui pourtant n'était pas très affectueux, n'était pas quelqu'un de très tendre, il tenait ma main de manière très très forte. Et pour moi, c'était un symbole que là, non seulement il était avec moi, que moi, maintenant, de par mon engagement, je devais être avec lui. Quand elle tient la main de son frère Willy dans cette voiture de la Gestapo, Anne-Lise Knopf-Graf ignore qu'il fait partie de l'organisation de la Rose Blanche, ce cercle d'étudiants qui va distribuer des tracts s'attaquant au régime nazi d'Adolf Hitler pendant à peu près 6 mois, de juillet 1942 à février 1943. Anne-Lise Knopf-Graf, qu'on vient d'entendre à l'antenne de France 3 en mars 2007, va écoper de 4 mois de prison seulement après son arrestation par la Gestapo. Son frère Willy, lui, va être exécuté pour haute trahison. Au total, 6 membres de la Rose Blanche vont être exécutés pour haute trahison. Parmi eux, Hans et Sophie Scholl, que le film Sophie Scholl, les derniers jours, a fait connaître au grand public. Mademoiselle Scholl, ces tracts subversifs que vous avez jetés du haut de la balustrade tombent sous le coup du décret spécial sur le droit pénal en temps de guerre. Voulez-vous lire ce que haute trahison et complicité avec l'ennemi impliquent? Ça ne me concerne pas du tout. Prison, camp de travail ou peine de mort? Ça ne me concerne rien du tout. Sophie Scholl, d'abord, c'est une très jeune fille dans la début vingtaine qui était étudiante à Munich, qui fréquentait l'université de Munich avec son frère Hans et avec d'autres jeunes universitaires, surtout des universitaires. Ils ont fondé une espèce de mouvement qui s'appelait la Rose Blanche, qui était un mouvement de dissidence par rapport au régime hitlérien. Et là, on parle, le moment où ça se situe, c'est en 1943. Le front de l'Est est ouvert, c'est la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Le front de l'Est a été ouvert déjà depuis plusieurs mois. Ça va très, très mal. Les Allemands sont en train de se faire battre par les Russes, parce que tout le monde connaît la difficulté d'aller se battre dans les champs enneigés contre les Russes. Alors, même à Berlin ou à Munich, on est conscient de ça, on sait que ça ne va pas très bien. Le régime, bien entendu, essaie de le cacher, c'est certain. Alors, il distribue des tracts, notamment à l'Université de Munich. Évidemment, c'est défendu, c'est interdit de faire ça, hein? Distribuer des tracts pour dire que ça va mal puis que le régime nazi serait mieux de démissionner, c'était pas permis. C'est un avis sur la politique actuelle? En aucun cas un appel à la mutinerie. Ça s'appelle démoralisation des forces militaires et haute trahison. Le chroniqueur Mario Roy à l'émission Je l'ai vu à la radio à propos du film de Marc Rotemund, Sophie Scholl, Les derniers jours, émission diffusée en avril 2006. Dans quel contexte va naître la Rose Blanche, cette organisation de résistance au régime nazi à laquelle appartient Sophie Scholl? Et quelle importance aura l'action de la Rose Blanche dans cette Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale? On en parle avec Karl Bouchard, habitué de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Karl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ce film-là, qui a été réalisé en 2006, a vraiment fait connaître au grand public, en tout cas, l'histoire de la Rose Blanche, l'histoire des Scholls, le frère et la sœur. Et c'est un film qui a été percutant. C'est une histoire qui est percutante, qui nous touche. Qu'est-ce qui vient tant nous chercher dans cette histoire-là, Karl Bouchard? Elle a été connue au niveau international. Effectivement, il y avait déjà eu un film en Allemagne dans les années 80. Là, c'était la première fois que ça sortait un peu de l'espace allemand. C'est un film qui nous touche. C'est une histoire qui nous touche parce que c'est un récit d'une incroyable droiture morale d'individus qui, devant la terreur, décident de se lever face aussi à un régime que tout le monde connaît, dont on connaît justement le caractère totalitaire. On a là des gens qui disent non, c'est pas possible, et qui agissent de façon, il faut le dire, de façon un peu dérisoire, mais le prix à payer, c'est le sacrifice ultime. Donc, il y a quelque chose de très, très, très touchant dans ce geste-là. La pureté, l'idéalisme. Exactement. Puis qui questionne aussi notre propre conscience face à ce qu'on voit comme injustice dans la société. Ouais. Donc, c'est l'idée de ces gens qui se lèvent quoi, pour se battre contre un régime. L'exception, Karl, il y en a eu beaucoup d'autres à se lever ou pas dans cette Allemagne nazie? Il y en a eu peu. On connaît les grands événements. Un autre film connu, c'est Valkyrie, par exemple, où on a tentative d'attentat contre Hitler en 1944, organisé par von Stauffenberg. Il y a différents épisodes. On sait que Hitler a réussi à survivre à un ensemble d'attentats contre lui. Mais de ce genre de gestes, il y en a très peu. Le seul qu'on connaît peut-être, c'est celui de Otto et Elie Sample, qui ont fait un peu la même chose au même moment, c'est-à-dire distribuer des cartes postales en 1942 contre le régime et qui ont connu le même sort, en fait. Ouais. Donc, des gestes qui sont assez marginaux, en fait, dans un régime qui est pris dans une spirale de la guerre totale. Ouais. L'histoire de ce couple, d'ailleurs, qui a aussi donné lieu à un film il y a quelques années. Tout à fait. Il y a un formidable livre, « Seul dans Berlin », que je recommande à tout le monde. Où en est l'Allemagne nazie au moment où cette organisation, donc la Rose Blanche, se met en place? Oui, bien, Mario Roy l'expliquait tout à l'heure dans l'extrait. On est en 42. En fait, on disait donc autour de 6 mois. Les premiers tracts arrivent en début juillet, fin juin, début juillet 42, et ça se termine en février 43. Depuis un peu plus d'un an, depuis juin 41, l'Allemagne est en guerre contre l'Union soviétique. C'est la grande campagne de Russie pour l'Allemagne. Jusqu'à présent, l'Allemagne est invincible dans la guerre. Automne 1942, c'est le premier choc, c'est la bataille de Stalingrad et la résistance soviétique ultime face à la poussée allemande. Une bataille sanglante comme on n'en a jamais connu durant la guerre. C'est près de 400 000 pertes du côté des Allemands, plus d'un million du côté des Soviétiques, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc on commence effectivement, malgré la censure, malgré le pouvoir de communication du régime, on sait très bien en Allemagne que les choses commencent à mal tourner. Donc on est dans un contexte de fuite en avant. Le régime est pour la première fois confronté à une défaite, donc il n'est pas invincible. Et puis, ben, c'est à ce moment-là, c'est le creusot dans lequel peut commencer à sortir une certaine résistance et puis des paroles dissidentes dans un régime totalitaire. Et puis cet appel aux Allemands pour leur dire « Réveillez-vous, ce que ce régime perpétue, c'est horrible. » Puis en plus, on est en train de la perdre, cette guerre. Exactement. C'est exactement l'essence du message qu'on aura dans les tracts de ces étudiants. C'est-à-dire qu'il faut se lever parce que, d'une part, parce que le régime est terrible, mais aussi parce qu'on est en train de perdre la guerre. Et donc, il faut faire quelque chose. Qui sont-ils? Vous parlez d'étudiants. Effectivement, c'est en gros... Ils sont une poignée, là. Ils ne sont même pas 10. C'est une poignée. C'est 9 personnes, en fait. Il y a 6 hommes, 3 femmes. Ce sont, pour 8 d'entre eux, des étudiants, des étudiantes. Ils ont 21, 22, 24, 25 ans. Ce sont vraiment des étudiants à l'université. Et puis, il y a un professeur, Kurt Huber, qui est un professeur de philosophie à l'Université de Munich. Il sera un des rédacteurs des tracts. Donc, c'est un petit groupe. Vous savez, Hans Scholl a 24 ans à ce moment-là. Sophie Scholl a 21. Ils ont passé la majorité de leur vie sous le nazisme, de leur vie consciente sous le nazisme. Ouais. Ils ont été, comme beaucoup d'enfants, embrigadés dans l'idéologie également, puis peu à peu s'en détournent. Ce sont des gens qui ont aussi, c'est le cas de Scholl et Sophie, de Hans Scholl et Sophie, ils ont un père déjà militant. Le père qui était un homme politique municipal, qui a été élu durant la République de Weimar, là, après la guerre en Bavière, et qui a déjà été emprisonné 2 fois pour avoir tenu des propos assez critiques envers le régime. Donc il y a déjà dans la famille une certaine dissidence. Ce sont des gens aussi très chrétiens, très religieux, et ça a un impact aussi, on le voit dans leurs tracts. De fait, Hans Scholl, qui est celui qui va initier ce mouvement-là, cette organisation de la Rose Blanche, c'est justement dans une église que pour lui, il y aura cette espèce d'étincelle, cette bougie d'allumage. Absolument. C'est le discours de l'évêque de Münster, qui s'appelle von Galen, qui en 41 a dénoncé en chair la politique d'euthanasie de l'Allemagne, qui a été en fait une des premières réaction d'importance de l'Église catholique allemande face à la politique eugéniste allemande. Et pour Hans Scholl, ça a été le point de basculement. C'est à partir de ce moment-là qu'il a compris que, comme chrétien, comme allemand, comme universitaire, il devait poser ce geste de résister au nazisme. Donc, c'est parti. En gros, l'essentiel de l'action de la Rose Blanche, c'est la distribution de tracts. Ouais. Parlez-nous un petit peu de la mécanique, comment il procède. Oui, ben c'est déjà tout un défi parce qu'il y a très peu de papier. Comment imprimer dans le contexte de la guerre? Tout est contrôlé. Alors, comment on fait? Ben, on réussit à récupérer du papier. Le premier tract, 100 d'exemplaires seulement. Ils sont distribués par la poste. Par la poste, et puis laissés dans des lieux publics. Donc, envoyés à des professeurs d'université, à des médecins, des avocats, des gens qu'on pense comprendre, en fait, cette philosophie. Mais il faut bien comprendre, et ça, c'est assez aussi révélateur, sur les 100 premiers tracts qu'on a, les 100 exemplaires du premier tract, 35 ont été remis à la Gestapo. Ça veut donc dire que les gens qui les avaient entre les mains reconnaissaient, d'une part, le potentiel exponentiel, explosif de ces tracts-là. Soit ils étaient d'accord avec le régime et donc dénonçaient en donnant le papier, soit ils étaient absolument terrifiés à l'idée ouais. d'être retrouvés avec un tract comme celui-là dans les mains, ou soit, c'est la troisième hypothèse, c'était des gens qui avaient peur que ce soit un truc de la Gestapo pour, ah les, oui. pour les trouver eux-mêmes. Donc, en disant, si je vais dénoncer la Gestapo et ramener ce document, ben, je vais montrer que je suis un fidèle du régime. Alors, c'est une pratique qui montre que, malgré tout, la population soutient encore le régime ou, dans une certaine mesure, le soutient passivement. Ouais. Le message va un peu évoluer au fil des tracts. Il y en aura ouais. six au final, mais puis on l'a un petit peu abordé. Le grand message, c'est vraiment de dire... prévenir les Allemands des horreurs que l'Allemagne nazie commet et de dire on va perdre la guerre. Mais en gros, que disent ces différents tracts, ouais. Karl Bouchard? Ils sont, on peut les séparer un peu en trois groupes. La première partie des trois premiers, ce sont les tracts de fin juin, mi-juillet 1942. Ce sont des tracts qui me semblent, à mon avis, les plus significatifs. Ce sont eux où il y a vraiment le fondement de leur action. Mm-hmm. Ils sont écrits par Alex Schmoller et Hans Scholl, donc les étudiants, et ce sont des documents assez, assez touchants, en fait, parce qu'on a là une conception très élevée de la culture. Ce sont des gens qui citent Goethe, qui citent Schiller, qui citent Lao Tzu, Aristote, la Bible. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inspiration dans les grands pans de l'humanisme occidental et époque occidentale, aussi asiatique. Ce sont des tracts où on va, dès le départ, dès les premiers documents, dénoncer la politique à l'encontre des Juifs, par exemple. On est en 42, là. Ouais. On parle d'un génocide qui est en train d'être commis et que jamais aucun peuple n'a subi ce que les Juifs subissent dans ce régime. Donc déjà, on est très clair, très conscient de ce qui se passe. Et surtout, on dit aux Allemands, il faut agir parce que pour les générations qui vont suivre, on va vivre avec subir ce fardeau moral d'avoir accepté ce régime. Et donc, dans les premiers tracts, il y a des phrases très, très fortes sur « nous sommes tous coupables, coupables, coupables ». On répète cette chose-là. On se présente comme étant la mauvaise conscience des Allemands qui vient les réveiller. Il y a vraiment des passages absolument fabuleux. Et puis, on est aussi très conscient qu'il s'agit probablement d'un sacrifice qu'on va faire. Ouais. Et on le dit, le prix de la mort n'est pas n'est rien par rapport au geste qu'on doit poser. Nous avons l'histoire de notre côté, ouais. la justice de notre côté. Au quatrième tract, on sent qu'il y a une... Le quatrième tract se démarque un petit peu des trois premiers. Oui. De quelle manière? Bien, c'est un peu un pont entre les trois premiers puis les deux derniers. Le quatrième tract, c'est un... Au moment où on entre, dans une certaine mesure, dans un autre régime. Premièrement, c'est le premier où on parle de politique, où on parle de l'actualité de guerre, de la campagne en Égypte, de la campagne en Union soviétique. Donc, il y a quelque chose là qui parle aux Allemands de façon plus directe. On est moins dans la philosophie, moins dans la spiritualité, beaucoup plus dans l'action. C'est aussi le premier tract où on parle de la Rose Blanche. On dit qu'ils sont une organisation, ils s'appellent la Rose Blanche. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez fort. Et puis, c'est peut-être aussi le plus mystique dans tous ces tracts où on condamne l'athéisme du régime. On dit que Hitler ne songe qu'à la force du mal, à l'ange déçu, à Satan, et qu'il n'y a qu'un vrai Dieu et que c'est ce vrai Dieu qui va nous sortir du régime. Donc un tract un peu, une transition, une passerelle entre les trois premiers puis les deux derniers en février qui, eux, sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus directs. Et avec une raison qu'on va connaître plus tard, c'est que l'auteur, c'est le professeur, en fait, qui décide de mettre la main à la pâte. Tout à fait, parce qu'en fait, Hans Scholl, Schmoller et Christoph Prof sont en Russie, sont envoyés en Union soviétique durant l'automne 1942, donc ils ne sont pas là pour rédiger. Et c'est Kurt Huber, donc le professeur de philosophie, qui va prendre le relais, qui va rédiger les deux derniers tracts, mais deux derniers tracts qui... paradoxalement, ne sont pas les plus philosophiques. En fait, ce sont les deux tracts les plus politiques, peut-être, dans cet ensemble. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un virage qui intervient au début du mois de février 1943. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un nouveau type d'action. C'était des tracts. Jusque-là, que des tracts qui étaient distribués. Tout à fait. Au début du mois de février 1943, autre type d'action. Autre type d'action. Pour la première fois, on pose des gestes, disons, plus radicaux. Hein. Hans et Sophie Scholl vont commencer à marquer leur désapprobation sur les murs de Munich. Donc, on va faire des graffitis. C'est le 3, le 8, le 15 février, avec des phrases assez chocs. Abat Hitler, Hitler meurtrier de masse, liberté, on va dessiner des croix gammées qu'on va barrer. Donc, ce sont des actions beaucoup plus téméraires qui, là, ne sont plus des envois par la poste. Là, on commence à être dans l'espace public de façon beaucoup plus claire. C'est déjà une indication de la radicalisation de leur geste. Début d'escalade qui va conduire à un point tournant important qui va se produire le 18 février 1943. 18 février 1943, 10 heures du matin. Hans et Sophie remontent d'un pas décidé la Leopoldstrasse vers l'université. L'entrée du majestueux bâtiment est en vue. Le vent, dont les jeunes gens ne sentent pas la fraîcheur, fait claquer les drapeaux à croix gammées. Pas âme qui vive dans le grand hall de l'université de Munich. Tous les étudiants sont en cours et les portes des salles sont closes. Les Scholl gravissent les marches du grand escalier. Hans porte la lourde valise de Sophie. Derrière une large colonne, il l'ouvre et tend une liasse de tracts à sa sœur. Elle et lui se hâtent d'en déposer sur chaque marche de l'escalier, devant chaque porte, au premier étage, au second, enfin au troisième. Et là, au troisième, sait-on ce qu'il est advenu ? Oui, arrivé au troisième étage, Sophie constate qu'il lui reste encore une liasse, alors que les étudiants, il est maintenant 11 heures, sortent de leur cours. Sophie, prenant appui sur la balustrade, se penche en avant et jette sa liasse de tract dans le vide. Les feuilles volent et vont se poser doucement sur le sol en damier du grand hall. Le concierge pointe du doigt Hans et Sophie Scholl. Aussitôt, Robert Mohr, inspecteur à la Gestapo, rugit. Extrait de l'émission Au fil de l'histoire diffusée sur France Inter en septembre 2011, 18 février 43, donc le moment où tout bascule pour Hans et Sophie Scholl, Karl Bouchard. Quel impact ça va avoir cette arrestation sur le mouvement? Puis d'abord, pourquoi autant de témérité? Pourquoi autant de témérité? C'est un peu un électrochoc hein, qu'on essaie de faire, Sophie Scholl et Hans Scholl dans ce geste-là. Ils envoient des tracts, ils ont des actions de plus en plus téméraires, il n'y a toujours pas de soulèvement, il n'y a toujours pas de grandes actions. Donc, est-ce qu'on peut l'expliquer par un geste d'inconscience de la jeunesse? Est-ce que c'est la volonté de marquer le coup cette fois-ci avec des tracts qui tombent dans l'eau-là de l'université? C'est clair, en tout cas, c'est que c'est un geste qui sera véritablement tragique pour eux, eux et pour le groupe. C'est le début de la fin. Ça montre aussi que c'est un groupe assez peu organisé, hein, qu'il n'y a pas énormément de résonance ailleurs. Ils ont des contacts avec d'autres groupes résistants, mais à partir de février, la Rose Blanche disparaît. Et ça va aller très vite. Ouais. D'abord, pour Hans et Sophie Scholl, ils vont subir un procès qui sera expéditif, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voulais utiliser les tracts que nous avions en plus afin que nos idées se répandent le plus vite possible. Ces choses ordurières sont vos idées. On pourrait les attribuer à des crétins notoires, mais pas à des étudiants allemands. Nous combattons avec le verbe. En effet. D'ailleurs, vous écrivez... Dès lors, rejetez le régime national-socialiste qui n'est autre qu'un régime de sous-hommes. Regardez-vous vous-même et vous verrez qui sont les sous-hommes. Mon frère et moi avons essayé d'ouvrir les yeux à nos compatriotes en diffusant notre acte et de stopper l'effroyable bain de sang qui frappe les Juifs d'Europe et les autres peuples avant que les Alliés n'y mettent fin. Est-ce que nous voulons être pour l'éternité le peuple haï et rejeté par l'humanité ? Ah, des êtres supérieurs ne se soucient pas de ça ! Vos êtres supérieurs ne veulent en réalité que la paix et que la dignité humaine soit à nouveau respectée. Ils veulent retrouver Dieu, leur conscience. Et la compassion. Mais qu'est-ce que vous vous figurez ? La guerre totale donnera au peuple allemand la victoire et il renaîtra de ce déluge d'acier plus grand et purifié pour toujours. Ce que nous avons dit ou écrit, beaucoup de personnes le pensent. Seulement, elles n'osent pas l'exprimer. Extrait du film Sophie Scholl, Les derniers jours. C'est un extrait qui est très, très parlant. Mmh. On pourrait dire que c'est caricatural, c'est mis en scène, c'est un film. Oui, à peine. Hein? Mais à peine. Oui, on a des images d'archives de Roland Freisser, qui est le juge du tribunal du peuple, qui était aussi hystérique qu'il l'est dans le film. Qui est un idéologue nazi. Absolument. Exactement. Un ancien d'extrême gauche qui est passé au nazisme par la suite et qui est devenu un des plus fervents défenseurs du régime. Mais c'est fascinant, cette guerre totale, cet idéologue qui est en guerre et qui affronte cette candeur, cet idéalisme. C'est ça, au fond, cette histoire-là. Exactement. Puis je pense qu'il y a quelque chose là d'assez fort et qui est assez réel aussi, malgré la mise en scène du film, c'est cette, encore une fois, cette droiture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas flanché pendant le procès. Ils ont continué à annoncer qu'ils se battaient avec des mots et avec des idées, comme ils l'ont fait depuis le début. Qu'est-ce qui fait à ce point trembler ce régime si puissant? Après tout, on a affaire à 8 étudiants et un prof qui distribuent des tracts, comme Bouchard, et ils vont être exécutés pour haute trahison. Il y a quelque chose d'assez vertigineux, effectivement, là-dedans. Est-ce que c'est ce régime... En fait, les régimes totalitaires, quand on les étudie, les historiens en parlent beaucoup, ce sont malgré tout des régimes qui sont toujours très inquiets du soutien public. Et une des façons, justement, de conserver le soutien, c'est d'éviter toute espèce de parole dissidente. Ouais. À la fois par la terreur, mais à la fois par la surveillance. Donc, ces mots-là, c'est aussi des mots vrais. Et dans le fort intérieur, il y a les idéologues, il y a les excités, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui commencent effectivement à penser comme eux à partir du moment où le régime commence à vaciller. Et donc, on l'évoquait hors d'onde tout à l'heure, c'est aussi la défaite qui commence à réveiller, qui commence à réveiller les gens. Et les actes donc, de résistance vont se multiplier au fur et à mesure où le régime commence à vaciller. Et la nécessité pour le régime de punir très sévèrement toute forme de dissidence. Absolument. Et les Alliés l'ont bien compris. Dès l'été 43, la Royal Air Force, par exemple, va envoyer sur l'Allemagne 1 million de tracts qui recopient le dernier tract de Hans et Sophie Scholl pour justement essayer d'encourager la population allemande à se soulever contre le régime. Ouais. Thomas Mann va aussi... Parce que, donc, il y aura une résonance. Absolument. On parlera un petit peu de la Rose Blanche avec ces bombardiers qui lancent des tracts. Et puis Mann qui tient une chronique à la BBC et qui va parler aussi de la Rose Blanche, donc une certaine résonance de l'action de ce groupe-là. Aujourd'hui, Carl Bouchard, quel souvenir garde-t-on de cet épisode-là? Celui de la Rose Blanche, mais plus largement de ces petites poches de résistance dans l'Allemagne nazie. Comment c'est reçu? Qu'est-ce qu'on dit de ça dans l'Allemagne d'aujourd'hui? Ouais. Ben, il y a évidemment un peu partout en Allemagne, c'est le cas à Munich, des plaques, des places, des parcs qui sont nommés en l'honneur de ces résistants. Il s'agit évidemment pour l'Allemagne de, je dirais pas de surligner ces passages, mais c'est aussi une façon de rappeler que tout le monde n'était pas derrière le régime. Donc, il y a là certainement quelque chose qui fait du bien. C'est de savoir qu'il y avait des jeunes imbus de culture qui avaient gardé leur conscience dans un régime, dans une période aussi sombre de l'histoire. Et donc, on se raccroche à ces gens-là pour dire que, dans le fond, le régime, c'était une exception dans la vie allemande et pas simplement un continuum de l'histoire allemande. Ouais. Ces jeunes qui disaient « Nous sommes votre mauvaise conscience » au fil du temps vont devenir peut-être la bonne conscience. La bonne conscience de l'Allemagne, tout à fait. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.